Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 10 octobre. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant d'une grande fierté, c'est que Samuel Girard va effectuer ses débuts dans la Ligue nationale de hockey ce soir, alors que les Prédateurs de Nashville vont recevoir la visite des Flyers de Philadelphie. Girard hier était à l'entraînement en compagnie de Piqué Subban sur l'avantage numérique, donc on va surveiller ça de très très près, les débuts de Samuel Girard avec les Prédateurs. Patinage de vitesse sur contre-piste, Marianne Saint-Gelais s'est distinguée en fin de semaine aux 500 mètres en remportant la victoire avec un chrono de 43 secondes et 93 centimes. Ça se déroulait aux Pays-Bas. Et également, notons la médaille de bronze aux 3000 mètres de l'équipe canadienne. Donc, Marianne Saint-Gelais, Cassandra Baudette était sur cette distance. Ils ont remporté la médaille de bronze avec un temps de 4 minutes 9 secondes et 729 centièmes. On parle évidemment du 3000 mètres. Parlons des Saguenay de Chicoutimi. Ils ont gagné en fin de semaine à deux reprises. Ils ont battu les Tigres de Victoriaville 4-0. Félix-Antoine Marcotti a réussi une paire de buts. Jérémy Fortin qui a marqué un but, une passe. Vladislav Kotkov, le Russe, a marqué un but, également une passe. Et dimanche, autre gain cette fois des Saguenay 5-0 contre Shawinigan. Olivier Galipeau, deux buts. Notons que Félix-Antoine Marcotti, un but, une passe. De même que Vincent Ouellette-Milo, un but. De même que Vincent Tremblay-Lapalme. Les deux Russes, German Rutsov et Vladislav Kotkov, et demain que Kevin Clément ont amassé deux passes chacun. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont eu une fiche de 500 en fin de semaine. D'abord, ils ont défait le record de Baie-Comeau avant de perdre 3-2. Ils ont perdu en fusillade. Ils avaient remporté également dimanche un match contre les Huskies. Les Marquis de Jonquière, en fin de semaine, fiche de 500. Ils ont gagné 4-2 contre Thetford. Ils ont perdu 7-1 contre ces mêmes Thetford. Ligue du lac au fleuve, en fin de semaine, s'est déroulé le premier match de la Ligue. Et notons que victoire de 5-4 du MGR Express contre Debout Sisney. Gabriel de Varenne, Michael Carillon, Renaud Cormier, Simon Gervin et Vincent Girard ont compté les buts pour les gagnants. Ligue junior régionale maintenant fiche de 500 pour les Éperviers de Normandie en fin de semaine. Les Éperviers qui ont gagné 8-2 contre les Albions d'Alma et ils ont vaincu également les Sambres de Roberval 8-4 et les Castors de Dolbeau. Ont gagné 2-1 et ils ont perdu plutôt 2-1 contre Allemand et ils ont vaincu la B 4-3. On revient également à patinage de vitesse sur courte-piste. En fin de semaine, s'est déroulée une compétition majeure au Centre Georges Vézina. Léonie Bradette de Saint-Félicien et demain que Catherine Mailloux ont terminé respectivement en 6e et 7e place de la catégorie. Il y a Maud Tremblay de Boumsesny qui a terminé au 8e rang. Et chez les B1, Marianne Gay de Saint-Félicien a terminé au 9e rang. Et Mélina Tremblay de Saint-Félicien a terminé au 10e rang dans la classe B2. Le sport local et régional, attendre le sport.com. On s'en occupe.